Mais revenons à Tappner. La théorie de l'exemple est satisfaite. Le philosophe seul est triste et se demande si c'est là ce qu'on appelle la justice qui suit son cours. Il faut croire que le philosophe a tort. Le supplice a été effroyable, mais le crime était hideux. Il faut bien que la société se défende, n'est-ce pas? Où en serions-nous si... etc., etc., etc. L'audace des malfaiteurs n'aurait plus de bornes. On ne verrait qu'atrocité et guet-apens. Une répression est nécessaire. Enfin, c'est votre avis, monsieur. Les Tappner doivent être pendus, à moins qu'ils ne soient empereurs. Que la volonté des hommes d'État soit faite. Les idéologues, les rêveurs, les étranges esprits chimériques, que la notion du bien et du mal ne peuvent sonder sans trouble certains côtés du problème de la destinée. Pourquoi Tappner, au lieu de tuer une femme, n'en a-t-il pas tué 300, en ajoutant au tas quelques centaines de vieillards et d'enfants? Pourquoi, au lieu de forcer une porte, n'a-t-il pas crocheté un serment? Pourquoi, au lieu de dérober quelques shillings, n'a-t-il pas volé 25 millions? Pourquoi, au lieu de brûler la maison Sojon, n'a-t-il pas mitraillé Paris? Il aurait un ambassadeur à Londres.